Since then, steps and steps and steps Comment Charles, Remix. Depuis mon plus jeune âge, je rêve de gloire, de cash flow. Dois-je passer ma vie en marge, un système qui me dévisage. Mon panache comme bagage sûr, j'assure mon avenir. Mon futur, je vois prospère, fat, duplex, busy, compte en caisse remplie. Gros sacoche, Borsellino, BM, Porsche. Mon beau rêve de mioche, mon poussé empire mes poches. À nu foche, gloire, pouvoir, sortir de la rue, croire, vouloir, se battre pour ce qui est dû. N'est jamais une cause perdue, man. Si. Le monde est devant toi, il n'attend pas qu'il débarque. Sort de ton cul de sale, bicycle infernal du jeune que béton détracte. De l'ignorance, de la délinquance, de la violence même. Ta soi-disant malchance que toi-même sème par négligence. Échec scolaire, vice, mauvaise compagnie qui te trahissent. Fils, démoli pour gonfler ce que tu négligeais jadis. Je crois en moi, en toi, le futur est en renommée. Et rien ne pourra barrer ton chemin. Ceci pour tous les jeunes des cités, lascar et filles oubliées. Banlieue condamnée, ville, quartier damné. Les héritiers exclus de la chance, fils d'immigrés déçus. Fils de chahut grandissant sous le souffle de l'abus. Ceci pour tous les disparus sans avoir connu la joie. América Latina, Africa, représentant Colombia. La tristesse d'un jeune en détresse pleurant derrière des barreaux sa jeunesse. Donne les encres, montre aussi à ceux qui peuvent s'en sortir. L'espérance est vitale comme l'oxygène que l'on respire. C'est le pire des combats, la perpétuelle querelle, la saga. C'est le dominant sur le dominé, la loi du plus friqué. Renversant les statistiques, les sondages, prouve à ton entourage qu'un homme plein de courage peut creuser son passage vers la victoire et la réussite. Depuis mon plus jeune âge, je rêve d'explorer le monde, la terre et ses mystères. Voyager en pleine classe, ses frontières, ses mystères. J'imagine. Vivre pour ce que l'on aime, malgré les contraintes du système. Mais le monde tourne comme une roulette et rien ne changera. Quand le juge puissant fera ses comptes, puis seul jugera ce qu'on y devra.